derrière un sourire. Sourire, large soupir, pire. Barricadé après chagrin et mélancolie des souvenirs. Le futur s'est pendu aux mains des rêves si défendus. Carnage passionnel, même tristesse obsessionnelle. Derrière un sourire, rage radioactif. Masqué sous nuée de peine, morphine, toxine et sédatif. Le passé s'est vendu aux rêves si défendus. Dimension solennelle, un tourment quasi irrationnel. Derrière un sourire, marche nanométrique. Espoir pour entrevoir le spectre d'une réussite. Triste présent mordu à l'âme des rêves si défendus. Retour impossible qu'à la sortie et barrière conditionnelle. Derrière un sourire, page immaculée. Acculé au pied d'une aigreur macrographique non évacuée. Le ton est confondu, au rêve si défendu. L'effort de rester fort est offert et seule pression est rendue. Souvent l'hypocrisie gouverne, bienvenue dans la nouvelle ère. Souvent se cache une peine et le mensonge qui s'agenouille dans les gènes. Comment se cache un cœur noir si dépressif, carbonisé sous le riff. Derrière un sourire se cache, l'orgueil se cache, le recueil marche dans l'œil qui règne. Derrière un sourire, souvent la haine prend sa place. Ventre dissimulé, renfermé dans sa carapace. Des actes confus, de rêves si défendus. Où la réalité intégrale ne fait pas toujours surface. Derrière un sourire, point d'interrogation. Mystère, incompréhensible sans solution. Nation émue pour un rêve si défendu. Discipline engagée avec rébellion. Donc, derrière un sourire se cache un regard persistant. Une rétine défoulant le fardeau de tous ses sentiments. Objectif perdu par un rêve si défendu. Fendu, exploité par la richesse découlant de l'argent. Derrière un sourire, l'âme se tourmente. Action, réaction majoritairement violente. Mauvais statut pour un rêve si défendu. Où le véridique projette une scène accablante. Souvent l'hypocrisie gouverne. Bienvenue dans la nouvelle ère. Souvent se cache une peine et le mensonge qui s'agenouille dans les gènes. Comment se cache un cœur noir si dépressif, carbonisé sous le riff. Derrière un sourire. Comment se cache, l'orgueil se tâche, le recueil marche dans l'œil qui règne. Orientation, deux choix dérivés sous plusieurs stations. Incursion sur sa personne avec précaution. Émotion, basculant à sa contradiction. Oppression, en soi vu la destination. Tu dévis tes propos vis-à-vis ceux qui t'envient. Ton avis vit des idées subjectives qui sévient. Cœur escorté, des cas de douleur écartés. Carté, une flamme qui donne le quart de sa clarté. Nos sentiments sont abstraits, pensées voire illettrées. Hypocrisie centrée au plus profond de nos traits. Bienvenue dans mon air, on ne vit plus, non, on fait semblant. Vecteur d'un putain de manque de conscience transcendant. Défini par nos antiques. Qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que t'as? La sincérité a déserté, je te présente notre sociétariat. Voilà, inversion voilée, voilà les baisers du lac qu'on volait. Vers là où les valeurs modernes pèsent encore moins que la rabla. Souvent l'hypocrisie gouverne, bienvenue dans la nouvelle ère. Souvent se cache une peine et le mensonge qui s'agenouille dans les gènes. Près comment se cache un cœur noir si dépressif, carbonisé sous le riff. Comment se cache, l'orgueil se tâche, le recueil marche dans le deuil qui règne.